dans mon cœur un grand coup de soleil, un grand coup de bonheur, et rien n'est plus pareil. Je n'espérais que toi, n'attendais que toi, ne voulais que toi. Maintenant tu es là, et je crie ma joie par-dessus les toits. Tu as mis dans mon cœur la folie de l'amour. Tu as changé mes nuits et transformé mes jours. Et j'ai couru vers toi en te tendant les bras. Sans joie et sans amour, je cherchais sans fin tout au long des jours celle qui pourrait, je ne sais pourquoi, embrasser ma vie comme un feu de joie, comme un feu de joie. Mais je n'espérais plus, en voyant toujours mon espoir déçu. Un jour le destin guiderait tes pas et te conduirait au-devant de moi, au-devant de moi. Dans mon cœur, un grand coup de soleil, un grand coup de bonheur, et rien n'est plus pareil. Je n'espérais que toi, n'attendais que toi, ne voulais que toi. Maintenant tu es là, et je crie ma joie par-dessus les toits. Tu as mis dans mon cœur la folie de l'amour. Tu as changé mes nuits.